Pagateur est de retour dans sa pression peine de vautour. Mais ne vous inquiétez donc pas, ça ne restera sûrement pas le cas. Pagateur est mon nom, tourne le bouton, mets le son à bon. C'est parti pour t'envoyer en l'air. Allez, s'il te plaît, scoots en derrière. J'ai eu le temps de composer, non, je n'ai rien laissé tomber. Je reviens avec du lourd, avec un son qui va te rendre sourd. J'ai partagé ma vie en deux, maintenant la ville j'y fous très bien le feu. J'étais toujours plein de désarroi, mais maintenant écoutez-moi. Le son à fond. Mon nom est Pagateur, je me suis rempli d'ardeur. Je me suis paré loin du passé, et je pense que ça m'a fait avancer. Pagateur est mon nom, tourne le bouton, mets le son à fond. T'es parti pour t'envoyer en l'air. Allez s'il te plaît, scoots en derrière. Si vous voulez vous éclater, venez avec moi danser, chanter. Ce qui est sûr, crois-moi, c'est qu'il y aura de la place pour toi. Le son à fond, le son à fond, le son à fond, le son à fond.